50 languages. 77. 77. 77. إبداء الأسباب. 3. Argumenter quelque chose. 3. Argumenter quelque chose. 3. لما لا تأكل الكعكة؟ Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte? Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte? علي أن أخفف وزني. Je dois maigrir. Je dois maigrir. لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. لما لا تشرب البيرة؟ Pourquoi ne buvez-vous pas la bière? Pourquoi ne buvez-vous pas la bière? علي متابعة السفر. Je dois encore conduire. Je dois encore conduire. لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. لما لا تشرب القهوة؟ Pourquoi ne bois-tu pas le café? Pourquoi ne bois-tu pas le café? إنها باردة. Il est froid. Il est froid. لا أشرب القهوة لأنها باردة. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. لما لا تشرب الشاي؟ Pourquoi ne bois-tu pas le thé? Pourquoi ne bois-tu pas le thé? ليس لدي سكر. Je n'ai pas de sucre. Je n'ai pas de sucre. لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. لما لا تأكل الحساء؟ Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? لم أطلبها. Je ne l'ai pas commandé. Je ne l'ai pas commandé. لا أكل الحساء لأني لم أطلبها. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandé. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandé. لما لا تأكل اللحم؟ Pourquoi ne mangez-vous pas la viande? Pourquoi ne mangez-vous pas la viande? أنا نباتي. Je suis végétarien. Je suis végétarienne. Je suis végétarienne. لا أكل اللحم لأني نباتي. Je ne la mange pas parce que je suis végétarien, végétarienne. Je ne la mange pas parce que je suis végétarienne. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.